show rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. C'est Skyrock et un Planète Rap exceptionnel puisque nous recevons ici dans le studio de Planète Rap Monsieur Rick Ross. Welcome on Skyrock. What's up? Un véritable plaisir, dis-lui Paloma. Merci aussi d'être là pour la traduction, Paloma. On est content, c'est la première fois. Alors c'est pas la première fois qu'il vient en France, mais c'est la première fois qu'il vient ici. On est ravis de le recevoir. Thank you for having me. This is a dope show too. C'est une très bonne émission aussi d'ailleurs. Ouais, bah exactement. Et d'ailleurs, on le remercie de connaître aussi bien l'émission. How you say dope in French? How you say dope? Tu veux traduire? Ouais, bah écoute, Eddie, c'est une qui déchire, on va dire. Voilà, dope, yes. Dope, yeah. Tout comme Mastermind. Yeah. Right. Tiens, justement, un petit souvenir de France. Quel est le souvenir de sa toute première fois en France, Rick Ross? When I first came to France, I think it might, the first thing that come to mind is, you know, the first time I came here, how we was riding around looking for food. Yeah, we was riding around looking. We was hunting, boy, we was hunting. But, you know, I done been here a few times now, so when I think about, you know, Paris and France, I think about, you know, the most beautiful city you may ever see in the world, you know what I mean? You know, just to see all the architecture that's still here from the past. And a lot of places you go, you don't see structures, you know, that's still up and still beautiful, you know, from that age. So that's big to me. That's dope. Alors, en fait, la première chose qui lui vient à l'esprit, ça le fait pas mal rire, c'est que la première fois qu'ils sont venus, ils crevaient la dalle. Et en fait, ils cherchaient de la bouffe partout, ils n'en trouvaient pas. Donc, ils tournaient et tournaient pour trouver de la bouffe, enfin, l'enfer. Mais surtout, il est venu plusieurs fois en France depuis, et puis à Paris. Et il dit que Paris, en fait, c'est la plus belle ville qu'il ait jamais vue au monde. Et surtout, ce qui le fascine, c'est l'architecture. Et en fait, toute l'histoire qu'il y a dans la ville, quand il se balade, ce sont de vieux monuments avec des structures tout à fait... unique, une architecture unique, et c'est toujours là, et voilà, ça le fascine, il trouve que c'est, ça déchire, écoute. Est-ce qu'il avait une image de nous, la toute première fois où il arrivait ici en France? I never really expected nothing before I came here, you know what I'm saying? I just wanted to see it when I got here, you know, because where I'm from, Paris is widely respected, you know what I mean? It's widely respected for a lot of different things. Of course, we hear beautiful things about the beautiful women, you know, as well as the fashion culture, you know, and so on and so forth. So I most definitely was excited and, you know, was expecting to see something I've never seen before. En fait, il n'avait pas tellement d'idées préconçues, même pas du tout, mais c'est vrai qu'il voulait absolument voir la ville parce que quand tu habites aux États-Unis, ben la France, Paris, ça a quand même une image, il y a une réputation. Il y avait plusieurs choses qu'il voulait voir. D'abord, les très belles femmes. Il a bon goût, cet homme-là. Et ensuite, la mode, la culture. Et c'est vrai qu'il était vraiment dans l'attente. Il avait vachement envie de découvrir tout ça. Bon, est-ce qu'il n'a pas été déçu, notamment moins pour les gonzesses? Non, I see it. Non, c'est bon. Rick Ross avec nous pendant une heure sur Skyrock entre 20h et 21h. J'espère que vous allez bien. Envoyer des messages. Tiens, vos sons préférés de Rick Ross, vous balancez avec le hashtag Rick Ross sur Skyrock ou le hashtag Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Planète Rap 20h-21h. On va évidemment mettre beaucoup de morceaux de Mastermind. On fera aussi un petit retour en arrière. D'ailleurs, on va débuter avec un morceau que vous avez peut-être découvert sur Skyrock. C'est extrait de la bande son du film Django. On va écouter ce morceau de Rick Ross. On fera aussi freestyle tout à l'heure. Freestyle par téléphone. Et pour tous les freestylers cette semaine, une semaine spéciale US. On débute la semaine avec Rick Ross. Mais par exemple, demain, il y aura 13 songs. Et pour tous les freestylers, il y a des fringues, les fringues Projet X à choper. Allez-y, 41 759, vous laissez votre prénom, numéro de téléphone si vous voulez rapper, et vous repartez avec Ensemble Projet X à choper. Je vous en parle d'ici quelques minutes. Eric Ross, on l'écoute par deux fois maintenant. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Oh, now you were one lucky nigger. You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you. You wanna hold my hand? Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers. scriptures with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell, I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. Seen 100 niggas die, I put that on my life. Lord, I wouldn't tell a lie, unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life. All you wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Seen a brother get slain, for a jar full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse? Keep them rats out the house. A lot of scars on my back, nigga. Tattoos all around. 100 dead bitches, 100 black coffins. Money on his head, bitch, I'm trying to make a fortune. I need 100 black covers for 100 bad men. 100 black grapes so I can lay their ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. I seen 100 women burn as they stood firm. Treat a nigga like a germ. What did she do to deserve? Put me on the farm, pigs feet in a jar. Serve it to me warm. Many questions they hang them. Better pray for Django. Got me working in fields. Too many years it get fatal. All I want is my woman, such a wonderful mother. On the days that it rained, her smile bright like the summer. My revenge is the sweetest. Bitch, cause I'm coming. Gotta die in my arms for what you did to my mother. 100 dead bitches, 100 black coffins, 12 gauge shotgun, chest full of copper. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay their ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. Planet Rap, 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. You blowing money fast on this side. Catch up. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Whipping. Hallelujah. One Nation. Under God. Real, real. Getting money from the start. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Getting. Hallelujah. One Nation. Under God. Real, real. Getting money from the start. My Rolls Royce triple black. I'm Geechee. Ballin' in the club. Bottles like I'm Meechee. Rose. That's my nickname. Running in my big vein. Self-made. You just affiliated. I built it ground up. You bought and renovated. Talking plenty. Nothing's been authenticated. Funny you claiming the same that I'm penetrating. Hold the bottles up. Where my comrades? What a balance. Where my dog says I got that. In his soul. I just might charge a double. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Whipping. Hallelujah. One Nation. Under God. Real, real. Getting money from the Big Meech. Larry Hoover. Getting. Hallelujah. One Nation. Under God. Real, real. Getting money from the stars. These my. That I'm icy. Stunt so hard, make them come and date me. I think I'm Big Meech. Look at my timepiece. It's in out of me here. 100 racks at least. Look at yourself. Now look at me. You can't see I'm what you used to be. Look at it this way. You sideways. Always getting money. My I'm self-paid. It's for my broke. It's for my rich. Got a on the of a. I think I'm Big Mitch. Larry Hoover. Whipping. Hallelujah. One nation. Under God. Real. Getting money from the fucking stars. I think I'm Big Mitch. Larry Hoover. Getting. Hallelujah. One nation. Under God. Real. Getting money from the fucking stars. Post leave your spam. Words in the. In the. Tip. Orange like caviar, wildin' out, fish tail and Subaru, rally car. Out the passenger, letting the your go. Egg of that girl up, mommy and your dad. Around and knock the emblem on that carry off. Four bugging out, flicking at your carry doors. And did I mention from Red Dead Redemption? Extension clip, it's like a mattress in the hood. I'm flipping I'm on flipping. It. And the money's like a chair. I'm sitting on it. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Whipping. Hallelujah. One nation. Under God. Real, real. Getting money from stars. I think I'm Big Meech. Larry Hoover. Getting. Hallelujah. One nation. Under God. Real, real. Getting money from the stars. Maybach music. C'est Skyrock et ses planètes rap, une heure avec Rick Ross ce soir. C'est une semaine spéciale US sur Skyrock entre 20 et 21. Cette semaine, il y a Schoolboy Q qui va passer. Il y a Tresong, ce sera demain soir. John Legend, Chris Cab aussi, ce sera entre 20h et 21h tous les soirs de la semaine. Et ce soir, une heure avec Rick Ross, une heure de son de Rick Ross, une heure d'interview autour de l'album Mastermind qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant sur Skyrock. D'ailleurs, petit bilan, quel bilan il en tire Rick Ross de cet album pour l'instant? Yeah, yeah, yeah, most definitely. You know, just seeing the response. You know, from the streets, you know, my fans and, you know, just everybody that's been supporting me from day one. You know, that's most important to me. You know what I mean? It's my fifth number one album. You can never get tired of getting better. You know, you can never get tired of getting better or being recognized for getting better. So, you know, I'm just still excited, you know, and, you know, I was excited about coming over here and doing more, you know, promotions than I've ever done and reach out, you know, extend myself to the, you know, the real fans I have over here. You know what I mean? That's holding me down. You know what I mean? So, you know, we going to be running through the city and I want them to come out and, you know, rock with me tonight. Alors, en fait, il est vraiment heureux parce que la réponse qu'il a reçue de son album, notamment des gens qui sont, enfin, dans la rue, tu vois, qu'il a pu entendre tout ce qu'on lui a dit, ses fans, tous ces gens qui sont derrière lui depuis le tout début, depuis le premier album, la réponse a été extrêmement positive. C'est son cinquième album numéro 1. On peut pas se lasser. Ce qu'il dit, c'est qu'on peut pas se lasser d'être bon et d'être toujours, d'essayer d'être toujours le meilleur. Donc, et produire un bel album. Donc, il est très heureux et il est ravi d'être ici en promo, donc d'arriver en France parce qu'il est pas souvent venu en promo en France, de pouvoir en fait être plus proche de ses fans français qui le suivent et puis auquel il pense. Voilà, t'as raison de le préciser, c'est vrai, 6 albums mais 5 numéro 1, puisque je crois que c'était le précédent, il y avait Eminem qui est sorti en même temps et qui était numéro 1. Il avait vécu comment d'ailleurs lui à l'époque? I really didn't feel no way, you know what I mean? Eminem a great artist, you know what I mean? He one of the, you know, the greatest of, you know, of this generation, you know what I mean? His wordplay, you know what I mean? And I always loved his King Kniff skits. You know, the dude that told, you know. So, you know, he always put together dope albums. So, you know, if you're gonna lose, if you're gonna be number two to somebody, you know, who better than Eminem, you know? En fait, non, pas du tout. Ça l'a pas du tout dérangé. Eminem, c'est quand même un grand bonhomme. C'est une personne à part qui est connue dans le monde entier. Un mec avec un flow extraordinaire. Enfin, tu connais Eminem. Et puis, perdre face à... À qui? Face à Eminem, c'est quand même pas mal. Hein. Numéro 2 derrière Eminem, on peut pas se plaindre, mais quand même. Est-ce qu'il a été compliqué à faire ce sixième album? Est-ce qu'il y a toujours la même motivation à retourner en studio? Not at all. If we're speaking of me getting back in and record Mastermind, you know, not at all. You know, I'm always thinking of new music. I always want to make new music. That's why I continuously surround myself with, you know, the Maybach Music roster, my teammates. You know, we just love making records at the end of the day, and I think that's, you know, the driving force behind our success. En fait, pas du tout. C'est vraiment pour lui un plaisir à chaque fois et un vrai défi de revenir en studio. Ce qu'il aime, c'est vraiment faire de la musique, de la nouvelle musique, de créer des choses. Et c'est vrai que l'équipe dont ils sont, qui l'entoure, est dans le même état d'esprit avec cette volonté de toujours travailler à créer quelque chose. Donc non, il adore faire des albums et c'était à nouveau un grand plaisir de se lancer dans la création de celui-là. Est-ce qu'il a toujours ce petit côté gamin? C'est marrant parce qu'en préparant l'interview, je retombais sur des vidéos, d'ailleurs dans l'excellente interview qu'il avait donnée ici en France à nos amis de Bouscapé. Il disait, mais tu sais, moi je me souviens toujours quand j'avais 13 piges et que à l'époque j'étais, je crois, laveur de voiture, en tout cas je nettoyais les bagnoles, j'embrassais les bagnoles à l'époque. Est-ce qu'il a toujours ce petit gamin, ce petit Rick Ross qui est toujours en lui? Most definitely, I still love cars, you know what I'm saying? I just don't get to wash them no more, you know what I mean? But, you know, that was an era in the time of my life I wouldn't change for nothing, you know what I mean? You know, I just think about, you know, I had a lot of fun days up there, you know what I mean? A lot of, you know, a lot of good memories, a lot of good friends, a lot of good times, yeah. En fait, il confirme que son amour des voitures n'a pas changé. Bien évidemment, il les lave plus. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était une époque de sa vie dans laquelle il changerait rien. Et il a vraiment gardé de très très bons souvenirs. Il s'est bien amusé, de très bons souvenirs et de très bons amis de cette époque. Dernier achat, tiens, puisqu'on parlait des bagnoles. Dernier achat en voiture, c'était lesquels alors, Rick Ross? The last car that I bought. I had just bought me another old school car, but the newest car I got was maybe a couple months ago. I had got that Rolls Royce Wraith, that two-door, that new 2014, baby. You know what I'm saying? With the stars in the ceilings, you know what I'm saying? Yeah. C'est pas ton truc, Paloma, les bagnoles. Bah, voilà. Mais il a acheté une belle voiture, ça, je peux te le dire. Sinon, en France, dis-lui, on a des Peugeot, mais des Renault. Mais il a aussi acheté une voiture ancienne. Oui, j'ai compris qu'il est né. Et il y a deux mois, il s'est acheté une super... Was a Rolls Royce? Big time Rolls. Oui, une Rolls. Pas mal. Jusque-là, j'ai compris. Après, elle a plein de choses, elle est magnifique, elle est totalement équipée. D'accord. Dit en France, il compte pas acheter des voitures Peugeot, Renault, ça lui parle. C'est un truc qui lui parle. I don't know yet. We gotta keep looking. We gotta keep looking. Yeah, we gotta keep looking. En fait, il va continuer à s'informer, tu vas regarder. Bon, en tout cas, ce qui lui plaît en France, j'ai l'impression, parce qu'il en a une très jolie bouteille sur la table, c'est le champagne. I most definitely love the party. I love to go out. I love to celebrate, and you know, I bought this just so y'all could celebrate. You know, y'all being dope. You know what I mean? Alors en fait, il aime faire la fête, il aime sortir, et il aime donc boire, et il a apporté cette bouteille que nous pourrions ouvrir et nous pourrions commencer à nous amuser tous en nous baignant dans le champagne. Avec grand plaisir, écoute. Dis-lui qu'il a trouvé la bonne personne pour faire la fête et que je le remercie. Most definitely. Yeah, most definitely. Ça, il en est sûr, ça n'a pas de problème. C'est Rick Ross pendant une heure dans Planète Rap, entre 20h et 21h sur Skyrock, interview exclusive, une heure de son de Rick Ross. Envoyez aussi vos messages, vos sons préférés de Rick Ross avec le hashtag Rick Ross sur Skyrock. Et là, on écoute un extrait de son album Mastermind, c'est le morceau Rich is Gangsta. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Allez, sur Skyrock maintenant, c'est Rick Ross, c'est Rich is Gangsta. C'est parti. I just up my stock. Fuck them cops. If you love hip hop, bust them shots. Your man priceless if your man's loyal. Better get that man a razor, end up paying for it. If you cut it, call it Jam Master J. No Adidas, but I rock a brick a day. Talk about the jewels out of nigga reach. Nigga please, so I came back with a bigger piece. You still smoking weed on your car chase. I'm pulling off the car lot screaming God's great. Before the crib, you gotta clear the guards gate. Elevators like Franks on Scarface. New president, you had that parve. Like a G, I gave the Cartier to Wale. Then I gave Meek Mill a Range Rover. Told Warner Brothers that the game's over. For me to move forward from here on, I need 50. I ain't talking 50 cent neither, nigga. I came back a rich nigga. Young mogul, Bo Jackson, I'm a switch hitter. They want me face down on the pavement. Gang members claim I need to make a payment. It's hard for a young black executive. Can't you see we all fucking relatives? Relatively easy, we could go to war. Fuck it, we could go to war. Chasing me $100 million, that's inshallah. Fresh about the fair system, welcome home Jabbar. I watch him pray 5 times a day, nigga. Same one that used to move the A, nigga. 8K's in this heyday, nigga. Benz coupe, wood frames, low fade, nigga. Got the Cubans, got the boats, got the souls, nigga. Cocaine worth much more than gold, nigga. So what's your goals, nigga? All my shit went gold, nigga. remember smoking mid-grade. Till I went and got my shit straight. I'm spitting like this bitch a mixtape. Till they seen the ghost with the template. Sitting in the trap blowing thick smoke. Traffic in my dope with a thick coat. Feds tore apart the squad, nigga. That's why I had to play my part, nigga. That wasn't me, it was a job, nigga. It gets deeper, that was just the start, nigga. Screaming in my sleep, I know the Lord hear me. Death to you fuck boys on my 450. Huh. Gangsta nigga. Huh. Rich is gangsta nigga. This is gangsta nigga. Yeah. Rich is gangsta nigga. He made that music. You know where we came from? Look where we at. Planète Rap spécial numéro 1 US cette semaine. Demain, il y aura 13 songs entre 20h et 21h à pas louper. Cette semaine, Schoolboy Q, également Chris Cab, John Legend, mercredi. Et puis là, ce soir, c'est 1h avec Rick Ross et son album Mastermind à découvrir aussi. Si vous connaissez pas encore cet album Mastermind, c'est le 6e pour Rick Ross. Et puis on en parle avec Rick Ross tous les soirs de la semaine. Et notamment ce soir, surtout ce soir entre 20 et 21. Bon, revenons donc sur cet album qui s'appelle Mastermind. C'est un album qui a été avec un producteur, un coproducteur exécutif qui est P. Diddy. Quel rôle il a eu vraiment sur cet album? You know, Puff, what he brought to this album was, you know, first and foremost, he mixed the entire album. You know, the album was 85% done when I went and played it for him. And, you know, he had some good ideas for me. And I told him I needed him, you know, to execute them. So, you know, he came in and, you know, got in the studio, mixed the entire album and, you know, brought in a few musicians, so on and so forth. And, you know, I think he added something real smooth. En fait, lorsqu'il a fait écouter l'album à P. Diddy, en fait, l'album était vraiment à l'état brut. Et c'est vrai qu'il lui a donné plein de très bonnes idées. Et donc, il lui a dit, mais pourquoi tu viens pas, toi, remixer l'album? Donc, l'album a été entièrement remixé par P. Diddy, qui est venu en fait en studio et qui est venu avec ses propres musiciens. Bon, il y a le clin d'œil aussi avec ce morceau qui s'appelle Nobody, hein, dessus. Clin d'œil à Notorious B.I.G. Plus qu'un clin d'œil, d'ailleurs. Il veut nous dire un mot sur ce morceau? Yeah, that was, you know, that's, you know, as far as B.I.G., that's one of the greatest ever. As far as, you know, the record on my album, I just felt it was something that was appropriate, man. You know what I mean? And when I got in the studio and, you know, I recorded it, shout out to French Montana on the chorus. He laced me on the chorus. I just felt it was something special. So, you know, I went and played it for Big, you know, closest friends and so on and so forth. And, you know, they liked it too. So, you know, we released it. I put it on the album. En fait, Big était quelqu'un de très proche. Donc il a voulu sur cet album. Il s'est dit que le moment était venu. Mais il est toujours présent sur tous les albums. Mais là, le moment était spécialement venu de lui payer, enfin, de lui rendre hommage, quoi, de parler de lui. Non seulement puisque, comme il dit, ils ont fait un bout de chemin ensemble et il l'a quitté sur cette route. Et en fait, il s'est dit, voilà, je vais faire cette chanson pour ses amis, pour son fils, enfin, pour tous ceux qui l'ont aimé. Et bon, on va l'écouter dans un instant. Le morceau s'appelle Nobody, l'extrait de Mastermind sur Skyrock. On vous attend au freestyle de Planète Rap. Inscription 41759. Il y a des fringues à choper tout au long de la semaine. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. You're listening to Skyrock. Comme toi, les numéros 1 US ont choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Rick Ross ce soir. You want to fucking walk around these roaches. These niggas is roaches. These niggas is mere motherfucking mortals. I'm trying to push you to supreme being. You don't want a motherfucking... You don't want to embrace your destiny. You want to get by. You don't want to go into the motherfucking dark where it's lonely. You can't handle the motherfucking, the pain of the motherfucking not knowing when shit is gonna stop. Mama's trying to save me. But she don't know I'm trying to save her. Man, them niggas tried to play me. Man, till I got this paper. You're nobody. Till somebody kills you. Blast for me, the last words from my nigga. On the pavement, born killers, body shivers, drug money. dollar figures, hustlers moving out of rentals, all the war's mental, having sushi down in Nobu, strapped like an Afghan soldier, nowhere to go to, so it's bang, no survivors, only riders on my rider, murder rate rises, stalking niggas on their IGs, never IP, still solo, Under Armour still polo, no wire, on fire, my desire for fine things make me a liar, a shooter, getting high feeling like it's voodoo, nine lives, SK with the cooler, Machiavelli and the Rari, still B-I-double-G-I-E, I pray you smoke with me, go to bed with a kilo, like Casino, Janet Reno, we all we got, the Creed and Nino, pretty cars in the driveway, if you cut it, then you sideways, double up, crime pays, mama's trying to save me, but she don't know I'm trying to save her, man, them niggas try to play me, man, till I got this paper, you're nobody, till somebody kills you. Where the fuck is they souls at? What defines you? These niggas with these fucking silly looks on their faces. You wanna walk around with them or you wanna walk with God, nigga? Make up your goddamn mind. I'm from where the streets test you. Niggas makes business and pleasure. Where the cocaine measure. The narcotics is our product. The byproduct. You walk up on me, I cock it. New Mercedes as it peels off. Nothing penetrates steel doors. Gang signs, see them all. I send my prayers, I'm count sheep. Never really athletic, but I play for keeps. Do you feel me? The mortician, the morgue feeling. With more snitches, we kill them and taking their bitches. R.I.P. Chinchillas on a winter night. Black bottles when I'm feeling like you wanna know what winter's like. And I'm never on that tour bus. Just a decoy for niggas. PJs for two of us. Ciroc boys down to die for Diddy. My niggas ride for less. Keep it real, homie, made me feel. Touch mine until it's even kill. Like I'm knowing every heathen will. Close the deal with Stephen Hill. We Magic City of the networks. Cut a nigga cast off. Harm a nigga net worth. Mama tryna save me, but she don't know I'm tryna save her. Man, them niggas try to play me, play me. Man, till I got this paper. You're nobody till somebody kills you. Yeah. Fuck, you wanna talk about fucking jewelries and Bentleys and Hublots and fucking art that niggas ain't got on their fucking walls and fucking mansions niggas ain't got. Niggas can't even pay the IRS for them on their fucking staff, niggas. You gotta tell the truth, man. Truth is set you free, son. The truth is set you free. Set you free. Miami, the Playboy's paradise. Pretty girls, fast cars. That's just a facade. The bridge separates South Beach from my Miami. The real Miami, the MIA. This is where we hustle. Suckers think you're tripping with, yes, I'm the boss. 745, white on white, that's Rick Ross. I keep them wide, I keep them long, I keep them fat. I keep them coming back, we keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got them pretty things flying across the Atlantic. I know Pablo, Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't petty player, we buy the whole thing. See, most of my homies hustle, they still do their thing. My roof back, my money ride. I'm on the pedal, show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for 100 nights. He got 100 bodies serving 100 lights. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every- for steel cars, but we hard. Whip it real hard. Whip it real hard. I call the charge. I call the charge. Whip it real hard. Whip it real hard. Ain't about no funny stuff. Still flipping them chickens. I'm on my money stuff. Still whipping them Benzes. Major League. Who catching? Because I'm pitching. Jose Canseco just snitching because he finished. I feed them steroids to strengthen up all my chickens. They flying over Pacifics to be specific. Triple C's, you know it's fact. We hold it set. So nigga gon' rap. Yeah. Run and tell them that. Spend my thrills, custom spinning wheels. I ain't drove in a week, them shit is spinning steel. Talk about me, cause these suckers scared to talk about me. Killers talking about me, it ain't no talk about me. It ain't no walking around me. See all these killers around me, lot of around me going down in Dade County. Don't talk no 22, cost me 22. Sat it on them 22. La mama super thin, she say she 22. She seen them 22, we in room 222. I touch work like I'm convertible birth. I got distribution, so I'm converting the work. In the M-I-A-O, switch off. Yeah, yo, yeah, yo. My shit been banging. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day. Every day I'm hustling. Every day I'm, every day I'm. Rick Ross pendant une heure sur Skyrock entre 20 et 21 ce soir, une semaine spéciale son US. Rick Ross et son album Mastermind qu'on découvre aussi hein, pour ceux qui ne le connaissent pas sur Skyrock entre 20h et 21h. Ça c'était un de ses morceaux classiques Soline qui lui ont permis d'acquérir une notoriété internationale. Lui, quels sont ses tout premiers souvenirs de rap Rick Ross? My first memory, my first memory is difficult. It's difficult, man. That's difficult. Difficile. But you know, I just remember, you know, just seeing, you know, being a young kid where I was from, you know, we didn't get to travel much, you know, at a younger age. But when I listened to, you know, music from the West Coast, I felt like I had been to LA. When I listened to East Coast music, I felt like I had an idea of what New York, you know, felt like and looked like. And I think that was one of the most powerful things about the music to me as a youngster, you know, being somebody that I wanted to travel. I was interested in seeing new things, you know, as a youngster. So I kind of seen those things through my music. C'est difficile de trouver un souvenir enfant, mais quelque chose qui lui revient, c'est que à l'époque de là d'où il venait, on voyageait pas beaucoup, on bougeait pas beaucoup. Donc à travers la musique, en écoutant cette musique, par exemple, quand il écoutait tout ce qui venait de la côte ouest, il avait l'impression d'être de voyager à Los Angeles. Même chose quand il écoutait la musique qui venait de la côte est, il avait l'impression d'être à New York. Et en fait, ça lui donnait une idée de ce que c'était, de comment on devait se sentir dans cette ville. Et ce qui est très, ce qui l'a beaucoup marqué, c'est le pouvoir qu'apporte la musique. En fait, la musique te permet en fait de voyager, de découvrir des endroits où tu n'as jamais été. Et lui, à l'époque, c'était son rêve, voyager, découvrir des choses nouvelles. Et il pouvait pas le faire, mais il le faisait à travers la musique. Il penchait d'ailleurs plutôt côté East Coast, côté West Coast à l'époque. When I was younger, I wanted to say West. Yeah, I want to say West Coast. You know, I loved Ice Cube and I loved Eazy-E. N.W.A. Yes, man. You know what I mean? And, you know, the DJ Quicks and the King T's and yeah, so on and so forth. Donc, en fait, il te dirait qu'il pencherait... La balance penche plutôt du côté ouest. Il aimait Ice Cube, Eazy-E, DJ Quicks, King T. Enfin, tout cela, quoi. Est-ce qu'il pense d'ailleurs à, je sais pas, à des petits gamins qui sont en train de l'écouter maintenant? Est-ce qu'il a un peu ce rôle inversé, voilà, de se dire que, bah, comme il est reconnu, voilà, mondialement et puis surtout même aux États-Unis, est-ce qu'il se dit parfois qu'il s'adresse à un petit gamin qui est peut-être au fin fond des États-Unis et qui écoute sa musique, qui le fait voyager peut-être aussi? Wow, you know, when I think about that for a short time, that's crazy. But, you know, I never really looked at myself or put myself behind those great legends, you know what I mean? Those old dudes was great, great, great. Ça le dépasse un peu quand il y pense et il se sent pas à la hauteur de ces légendes dont il t'a parlé. Enfin, il arrive pas à se mettre sur le, à la même hauteur, quoi. Bon, il sait quand même qu'il est rentré dans l'écurie, hein, maintenant, entre, d'ailleurs, c'est marrant, je crois qu'à une époque, il faisait toutes les premières parties de Jay-Z. Maintenant, c'est vrai que, bah, il est un petit peu avec tout le monde, avec les Jay-Z, les Kanye, les Eminem. Il fait partie de ses références, en tout cas, rap américaine. Wow, it's like, you know, just hearing the different, you know, the artists and, you know, of course, being amongst that class of peers, that's big, you know, that's big. And that mean a lot to me. But as far as me personally, I don't spend a lot of time on it, you know what I mean? I just, you know, keep doing the music, keep shining, you know what I mean? Want to keep shining with my little homies, you know? And, you know, I always just recognize everybody that inspired me, you know, as an artist. I never had a problem with, you know, recognizing other artists and, you know, giving them that love and letting them know, you know, some of their music could influence me. En fait, c'est vrai que, bah, ouais, ça lui arrive d'y penser, mais c'est vrai que ça représente beaucoup pour lui qu'on le mette à la même hauteur que ces artistes-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il s'arrête pas, quoi. Il s'arrête pas à penser. La vie, elle suit son cours et il y a des artistes qu'il aime pas, il y a des artistes qui l'apprécient, et quand il l'apprécie, bah, il est très touché par ça. Rick Ross, notre invité entre 20 et 21. Dans un instant, on parlera des clashs, puisque Rick Ross a beaucoup clashé. Il s'est aussi fait beaucoup clasher, notamment par Young Jeezy. Ça a été très loin avec Young Jeezy, puisque ça a été même jusqu'au point entre leurs différentes équipes. Et pourtant, il a été outre ça et il en a fait un morceau d'ailleurs sur son dernier album qui s'appelle War Ready avec Young Jeezy. On parlera justement dans quelques minutes de cette rencontre un peu mouvementée jusqu'au morceau en commun qu'ils ont sur l'album Mastermind. Ça arrive dans un instant, juste avant Freestyle par téléphone avec Marocco 26. Ça va bien, Marocco? Oh, ça va très ou quoi? Eh ben, écoute, en pleine forme avec Rick Ross ce soir entre 20 et 21. Ah ouais, putain, j'adore. Et bah tu restes avec nous pendant encore une bonne demi-heure avant de retrouver en direct la radio libre de Difool. Et puis cette semaine, pour tous les freestylers, donc il y a pour toi un ensemble offert par Projet X, nouvelle marque de fringues à découvrir, qu'on peut mater d'ailleurs sur le site laboutiqueofficielle.com. Toi tu repars avec l'ensemble t-shirt veste Projet X d'une valeur de 105€ pour être précis. C'est pour toi. Franchement, merci à vous, hein, ça fait plaisir. Mais on t'écoute rapper juste avant. Allez, c'est parti, Marocco 26. Okay. Session freestyle par téléphone. Yeah, c'est le M, tu me reconnais. Yeah, yeah. Salam, poteau, hello bitch. Fais le M, c'est la bitch. Marocco gang, je monte le level. Arrêtez le rap, au peu qui font de la peine. Envoie le mic et la preuve que j'en passe ma peine. J'ai les crocs, j'ai la haine, je vais les éliminer. Les deux pieds dans la merde, donc je suis déterminé. Marche pas sur mes pas, le terrain est miné. Bam, fais le M ou taille ici. Tu veux du hard, viens par ici. Trop de rappeurs, sont des pas copies. Font des vues, racontent des conneries. Arrêtez le rap, son fongolerie. Vous parlez titre de club, de son prix. Les vrais bandits ne parlent pas. Font leur pise et ne rappent pas. Marocco gang, bouge ta 3-5-7, ne bouge pas. Dans nos plumes, pas les mêmes touches. Car j'ai connu la rue, pas connu le placard. Dis ce que tu vis et non ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu crois, j'en ai gratté des pages pour éviter la rage. Enfermé sur moi-même pour éviter la casse. Un sourire casse beaucoup de larmes. Fais le M, tu reconnais ton boy. Tu connais le kip dans les boîtes, tu nous colles. Mon équipe fait du salon, garde dans les mains propres. Ils sont mes concurrents comme un verre d'alcool. T'as pas mon sentiment dans ton hip-hop. Mon flow en métal, Terminator, j'ai les mille ces rappeurs. J'passe les rapports. Marocco pourri, grosse, on est sûr. Planète rap, j'répète. Planète rap, tout le monde. Planète rap, Marocco pourri, cross, on est sûr. Planète rap, répète. Planète rap, tout le monde. Planète rap, sûr. Yeah. À l'instant, Planète Rap avec Marocco 26 en freestyle. Merci à toi, mon pote. Merci à vous. Surtout pour les cadeaux, là, ça fait super. Voilà, Projet X, c'est pour toi, la totale veste Projet X et le t-shirt qui va avec. Ça fait super plaisir. Tu peux lâcher 2-3 dédicaces? On t'écoute, vas-y. Alors, grosse dédicace à tout mon groupe, BDK Crew, à Billy Beats, tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, aussi à ceux qui soutiennent, je le vois, et ceux qui soutiennent le plus, il y a JR, Sabri, Anis, tout le monde, et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Marocco 26, et encore merci à vous pour les cadeaux. Hein. Merci à toi, Marocco aussi, 26, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, passe une bonne soirée. On est avec Rick Ross toute la semaine entre 20 et 21. C'est une semaine spéciale US et ce soir, donc, on débute la semaine avec Rick Ross sur Skyrock. Il y a un artiste qui est présent sur un des morceaux de sixième album qui s'appelle Young Jeezy. On sait qu'ils ont connu des moments pas super simples tous les deux. C'est quoi symboliquement? C'est important qu'il soit présent sur cet album, sur Mastermind? You know, in a way it was. You know, when we talk about, you know, the next generation, the next class of MCs, the next set of entrepreneurs, they need to understand and see, you know, that it's good business. You know, keeping peace is good business. You know, because, you know, we all bosses and we all could be a problem, you know. But it's not about that. It's really about building on what we've established and, you know, bringing new acts to the game, you know. So, you know. Let's stay focused. Il est tout à fait d'accord avec toi, c'est effectivement très important. Et il pense aussi qu'il est nécessaire que la nouvelle génération des MC, mais aussi de tous ceux qui se lancent dans le business, peut-être qu'ils deviennent de véritables hommes d'affaires là-dedans, il est très important pour eux et pour que les choses fonctionnent et que tout se passe bien en fait. La paix ne peut qu'arranger les choses et des bonnes relations aussi. Donc oui, c'était une façon de régler le problème, c'était aussi une façon de montrer qu'ils faisaient partie du même game et que voilà, tu vois, que ça continue quoi. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. On va écouter ce morceau avec Young Jeezy maintenant sur Skyrock. Mastermind, c'est l'album Rick Ross. À écouter dans un instant, on parle avec lui du rap français, bougez pas. War ready. You got shooters. I got shooters. We got money. Let's do what the mother niggas can't do though. Mastermind. On. Nigga got 1,000 guns, nigga. What? They can't. And if money is power, nigga, I got millions of power, nigga. Huh? Fuck with me, nigga. Huh? 17, now we charging, nigga, 17. Ryan Queen, youngest nigga in the Medellin. Bomber Green in that thing. Sasha slippers, 20 chains. Bitch, I'm Dana James. Put a patch over your eye. Fuck with my petty chains. Fuck what you heard for that bird. I'm a dirty nigga. Lay the rest by the one you thought were working with you. War ready. The gangers wanna take my life. War ready. Pussy boy, we all gonna die tonight. War ready. Fast casual, but the law. Land when you're all ready, huh? Trouble, shoot 1,000 rounds when you're all ready, huh? Bang, bang, mama crying when you're all ready, huh? That's another homicide. A real nigga dies but one. 21 gun salute out the top of your drop top coupe. I know a lot of niggas gon' hate to see this. Yeah, I wish they could see this. I never fall for what I stand for. This year, Fernando. We can live today, blood, or die tonight, cuz. Box heavy in the block, run the whole 50 shots. You just poppin' till you know you can't pop 'em no more. When you done came through the box, so many color drops. Any motherfuckers say you can't drop 'em no more. Already, nigga, put some change on your head. Damn right, fuck around, clear my safe out. I got a few digit scales and a couple Denzel. Then you motherfuckin' right, this a safe house. Give me a K in the 7, I'll bury that nigga. Be his bomb bearers, I can carry that nigga. But you gon' hit him with the Glock at the top. Like I wouldn't give a fuck if they was sharing that nigga. You motherfuckers out here always talking about what another motherfucker said. Yeah, I got the F and H with that motherfucker finna host, and I ain't not here motherfucking playing. Why these fuck nigga always crying by some? Either you living like a hoe or you dying by some. Try to let that rollie breathe, but it's hiding under my sleeve. Like that motherfucker tip it up, shine by some. Tomorrow ain't probably nigga roll up that weed. Gotta stay strapped to live the life I lead. So you can start your own alphabet with all them G's. Open up 100 doors with all them keys. Yeah, we live for them cool, but we die by the gun. This is court date, now my nigga on the run. Big shit popping in the sparkin' like a lighter. Shit bag, leave a grown nigga in a diaper. Hanging out the roads on your mark, get set. Let it go, hit a hold that bitch steady. When that adrenaline get the rushing and them drums get the busting. Yeah, I hope you put the nigga won't run it. On the front line, when you all ready. YG, we won't ready. 2,000 rounds, when you do all ready. Need to always have, keep it moving, nigga. When you walk ready, I got 1,000 niggas ready to die by mine, nigga. What's your money like? Follow in my footsteps. I was born to die, soldier. Nigga couldn't walk a mile. Found him naked in his road. Shout out to the Vice Lord. Shout out to my blood, nigga. Shout out to them GDs. Where that crip love, nigga. Shout out to them dope boys. Owe it to the plug, nigga. I could die 1,000 times, will never die. Fuck, nigga. Shout out to my my city too. My clip hole is 62. Woo. Riding down on 61st. Rest in peace to Floon and Coop. Heroin and quinine. Cut that bitch 1,000 times. Won't call, said he need a brick. I text him back, I'm standing line. You went out of town, so I had to whack your bitch. Never came back. Pussy boy, go kill him, bitch. Rick Ross dans Planète Rap ce soir entre 20 et 21 avant de retrouver tout à l'heure la radio libre en direct à partir de 21h01 53 40 30 20 sur Skyrock. Rick Ross, interview exclusive. Bon, un petit mot quand même, est-ce qu'il connaît un peu le hip-hop français? Je sais qu'il a posé avec Booba sur un morceau, mais est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il a tendu une oreille sur ce qui se passe ici en France? Yeah, shout out to Booba, shout out to Booba. And I mean, I can't say that I'm in touch to where I know, you know, what's going on. You know, I be so submerged in what I'm doing. A lot of times I don't even know what's going on with dudes in the U.S. But, you know, it's most definitely interesting to me. It's most definitely, you know, something that I'm interested in. You know, MMG, you know, Paris, you know, this could be, it could be something there, you know. Il est tellement plongé dans son boulot que même ce que font ses potes aux États-Unis, il a du mal à suivre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui l'intéresse et qu'il n'écarte pas la possibilité de se plonger dans ce qui se passe en France. Bon, il y a un invité qu'on connaît très bien ici en France et que lui aussi, a priori, puisqu'il est invité à s'asseoir à la table de Planète Rap. C'est Core qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il veut dire un mot sur Core qui est là dans le studio? Yes, yes, yes. Since we're talking about, you know, Paris and France and, you know, me being in touch with the music and, you know, I wanted to introduce everybody who don't know, you know, the young legend Core. He actually, I just recently had him at my house. How long ago that was in Miami? 2 weeks ago. Yeah, yeah, yeah. So we actually was in the studio, you know, for no reason. Yeah, okay. No reason. You know, the homie make them dope beats. Everybody that's listening, man, the homie got dope beats. And, you know, he a part of my team, Double MG. And, you know, he doing his thing out here. He got his own squad. He his own boss, you underdig, but he family as well. So, you know. Thank you so much, my brother. I appreciate it. Man, you already know. So just, you know, the love is reciprocated at all times. Tu disais qu'il restait un peu, à l'écoute de ce qui se passait en France. Ouais. Et donc, il a assis à côté de lui, donc Core, qu'il qualifie de. Et qui est une légende. Et qui the young legend. La jeune légende, Core. Et en fait, qui a été récemment chez lui à Miami il y a 2 semaines. Ouais, et ils ont été en studio, mais pour rien. Simplement pour voir le studio, enfin rien, tout un petit comme ça. Et voilà. Et donc, il fait un super boulot. Il dit qu'ils sont pas là. Ils ont chacun leur équipe, chacun leur famille, mais qu'ils bossent super bien ensemble. Donc, il appartient à MMG, la maison de production donc de Rick Ross. De Rick Ross, pardon. On a des projets qu'on a développé, et donc voilà. Donc pas, ils ont chacun leur équipe, mais c'est famille et ils s'aiment d'amour réciproque. Bienvenue, Core, ça va Fred? Quelle introduction, ça va? Il y a pire comme intro par Rick Ross, quoi. Le boss, bah ouais, c'est vrai que t'as pas mal bossé. T'as bossé avec Wale aussi, t'as fait plein de choses. Wale, Mick Mill. Bah, l'équipe, ouais, l'équipe de. Ouais, toute l'équipe. Et en fait, voilà, on a le même entourage aussi à Miami, les gens avec qui on bosse. Shout out to JC Money. JC Money, what you know. So, yeah. Voilà, tu vois, c'est la même équipe et on va continuer à développer des choses ensemble. Il y a plein de beaux projets, c'est cool. Bon, c'est un sacré mec ou pas? C'est un sacré mec. En fait, quand tu fais un son, explique. Elle va traduire, t'inquiète pas, elle est très très forte, Paloma. Quand tu fais un son pour Rick Ross, tu vois, t'es plus un producteur en fait, t'es un joaillier. Tu vois ce que je veux dire? T'es un joaillier. C'est-à-dire que. C'est plus une histoire d'arriver et de faire un simple son. Il connaît la musique mieux que personne. Il voit exactement où tu veux aller, ce que t'as essayé de faire. Des fois t'y arrives, des fois t'y arrives pas. Il y a un petit sourire, il est là avec son petit blunt. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et c'est le poteau. Maintenant on bosse ensemble depuis 3-4 piges et c'est que le début. It's vice versa, you know. And you know, and to me that's what it's about. I feel like, you know, being an artist, you know, that's, you know, at the forefront of the culture, it's our responsibility to, you know, leave those doors open for everybody that's chasing, you know, that similar dream, you know. And, you know, of course, everything won't fit and match, but it's just about the opportunities, you know. And me coming up in Miami, you know, it wasn't like New York where they had 20 record labels. We only had one record label, and that was all twerk music for girls popping their booty, bang, bang, bang, bang. You know, I like that at the parties and the clubs, but that wasn't the type of music, you know, me personally, I would, you know, want to make. So, you know, at the end of the day, it's just all about opportunity, and I'm big on that. Rick Ross nous disait que c'était totalement réciproque, et que pour lui, l'idée d'être un artiste à part entière, c'est aussi aider les autres, être derrière eux, ouvrir ses portes et ouvrir ses portes aux gens qui ont la même façon de voir les choses, qui ont les mêmes rêves. Et tout fonctionne comme ça, c'est les opportunités, c'est les chemins qui s'ouvrent. Et il aurait très bien pu aller corps à New York faire de la musique où t'aurais 30 gonzesses sur la piste en train de bouger leur cul, mais c'est pas son idée, c'est pas leur façon de voir la musique. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Mais la musique que moi je voulais faire, c'était à Miami, et qu'à Miami il a voulu faire de la musique pour lui. Ray Cross l'entend. Voilà. Thank you my brother, appreciate. Thank you. Thank you. Et juste avant de se quitter, Rick Ross, on arrive de la fin, on arrive vers la fin de cette interview. Avant de retrouver la radio de Difool, 01 53 40 30 20. Le mot de la fin, il est pour toi. Oh man, I get the last words, y'all dig. You know, first and foremost, you know what's most important to me is, you know, Team MMG, which is my fans, aka my family, y'all dig. You know, just everybody knowing, you know, I appreciate the love. And it's just not even about one particular album anymore, because we've been doing this since 06. It's just the love from, you know, putting me in position, you know, making me who I am over here, introducing me to young artists and producers and great producers, you know, over here. And I think that's what the game is all about. I think that's what our culture is designed to do. I think that's what it's about, you know. And, you know, for everybody else that's listening, that'll be doing their thing as well. Just make sure you keep that in mind. It's all about the opportunity, you know, shine bright. Bah, écoute, le message, il ira bien d'avoir le dernier mot. Tout d'abord, que, bah, il voudrait remercier et en profiter pour reconnaître tout le travail que font non seulement son équipe MMG, sa famille, ses fans. Et rappeler que, bon, et qu'il les aime, donc. Et surtout rappeler que, bah, que cet album, c'est pas un album, on parle pas, mais c'est toute une carrière, ce sont plusieurs albums. Sa carrière a commencé en 2006. Et quand on est un producteur, et quand on veut rester dans le jeu, dans le game, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est comprendre qu'il faut prendre les opportunités qui se présentent, et c'est ça qui compte. Il faut vraiment défendre ses idées et ses passions. Thank you, thank you, thank you for coming. Et merci donc à Rick Ross d'avoir partagé ce moment ici avec nous sur Skyrock. L'album s'appelle Mastermind. L'album s'appelle Mastermind, il est dans les bacs, il était avec nous ce soir. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Je vous aime. Tu peux essayer ton truc, mais moi je traduis pas. Je vous aime. Ouais, c'est ça. Je vous aime. Non, mais dis-lui. Attends. Dis-lui. On va lui dire. Attends, j'arrive. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Oh, now you were one lucky nigger. You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you. You wanna hold my hand? Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. I need 100 black coffins. Black coffins. Oh Lord. Black coffins. I need 100. I seen 100 niggas die. I put that on my life. Lord, I wouldn't tell a lie unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life. All you wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Seen a brother get slain for a jar full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse? Keep them rats out the house. A lot of scars on my back, nigga, tattoos all around. 100 dead bitches, 100 black coffins, money on his head, bitch, I'm trying to make a fortune. I need 100 black coffins for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins, black coffins, black coffins. Black coffins. Oh Lord. Black coffins. seen 100 women burn as they stood firm. Treat a nigga like a germ. What did she do to deserve? Put me on the farm, pig's feet in a jar. Serve it to me warm. Many questions, they hang them. Better pray for Django. Let me work in the fields. Too many years, it get fatal. All I want is my woman. Such a wonderful mother. On the days that it rained, her smile bright like the summer. My revenge is the sweetest. Bitch, cause I'm coming. Gotta die in my arms for what you did to my mother. 100 dead bitches, 100 black coffins, 12 gauge shotgun, chest full of copper. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay their ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins, black coffins, black coffins. Rick Ross depuis 20h, un petit peu avant 20h d'ailleurs dans Planète Rap. Ce soir, Rick Ross, on l'écoutait à l'instant pour conclure ce Planète Rap. Dans un instant, D-Fool et la roulette tout de suite. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50 euros de bon d'achat avec la clim. Benoît de Toulouse, comment ça va? Ça va bien, Fred, et toi? En pleine forme, écoute Benoît, tout se passe bien les vacances? Ouais, ça va, j'ai eu mon bac là, donc très bonnes vacances. Bah merde, alors là, c'est des vacances qui vont être incroyables, Benoît. Ah bah ouais. Bah écoute, bravo, félicitations à tous ceux qui l'ont eu et puis pour les autres aussi. L'an prochain, peut-être. Voilà, ou le rattrapage, exact. C'est vrai, il y a le rattrapage aussi. Et Benoît, toi, c'est la roulette qui tourne. C'est ça. Ah ouais, là, c'est ta période, hein. Chanceux en ce moment, Benoît. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, le DVD Fiston qui arrive à la maison avec le bon d'achat aussi offert par la Crime. C'est pour toi, Benoît. On t'envoie tout ça du côté de Toulouse pour passer de bonnes vacances. Bah merci beaucoup. Et bah profite bien, tu pars un petit peu, tu restes, tu fais quoi? Ouais, je pars, c'est lui le 24 là. Et tu vas où? Je vais à Bizerte. Ok. C'est pas connu, j'ai de la famille là-bas en fait. Et bah terrible, bah profite bien en tout cas. Merci beaucoup Fred. A plus et Benoît. Merci à toute l'équipe. Ciao. À plus. Ciao ciao. Semaine spéciale US qui revient demain entre 20 et 21. Là on va retrouver D-Fool maintenant. Et ouais, nous on va pas aller en Tunisie. Bizarre, ouais. C'est en Tunisie. Ouais, c'est en Tunisie, bizarre. Non, on va pas aller en Tunisie. On va comme vous amener, tu es fort en géographie. On va vous amener pas très loin ce soir avec un invité mystère spécial. Je dis rien. Invité mystère, donc c'est mystère pour l'instant. Ouais, c'est mystère pour l'instant, oui. Et on aura la Fouine aussi qui débarquera dans l'émission tout à l'heure, un petit peu plus tard. Et ouais. La Fouine qui vient nous voir, ça on avait prévu. Quelle et puis, soirée. Un invité surprise ce soir. Grosse soirée. Toi, tu es Rick Ross dans l'émission. Grosse soirée sur Skyrock. Et ouais. C'est jamais les vacances sur Skyrock. Ouais, c'est ça, continue. Oui, ça continue, Fredo. Demain, ça continue pour le spécial rap US de toute la semaine. Avec Très Songs demain en interview, des sons de Très Songs, du live. Oui, c'est à pas louper. Eh ben, on sera là à partir de 20h, juste avant 20h pour le Planète Rap, à pas louper. Et j'ai mon invité mystère qui est juste derrière moi. Alors, attends, on va faire un jeu, puisque c'est un invité mystère. Hein. Donc, vous nous dites qui est notre invité mystère. Je donnerai des indices dans un instant. C'est là, c'est grosse surprise. Ouais. Belle surprise. Gros plaisir pour ce soir. Salut. L'invité mystère. Salut, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je vous donnerai quelques indices dans un instant. S'il y en a qui ont déjà reconnu la voix, vous pouvez nous laisser vos messages sur le 41759, le skyrock.fm et puis sur l'appli Skyrock aussi, 41759, skyrock.fm, l'appli Skyrock. Vous nous laissez tout ça et dans un instant, allez, je vous donnerai des indices pour le découvrir d'ici quelques instants. Je peux vous dire qu'il nous a fait vibrer. Ah ouais. Pas que nous d'ailleurs. Non. Qu'on l'a suivi la semaine dernière. Ouais. Allez, je vous donne un autre indice. Il joue au football. Plutôt bien d'ailleurs. Il n'est pas allemand. Il n'est pas allemand. Il n'a pas franchement l'accent, non. Bon, on devait avoir des Allemands ce soir, on a refusé. Hein, on a refusé les Allemands. Et c'est pas la Fouine, puisqu'on vous a dit que la Fouine serait là tout à l'heure. Parce qu'Apolline qui nous dit c'est la Fouine. La Fouine, il viendra un petit peu plus tard dans l'émission tout à l'heure. Bon, invité mystère à découvrir dans un instant, préparez-vous. Bah, le temps de démarrer, là c'est parti, on y va. Allez. Radio Libre avec toute l'équipe qui est là. Romano, ouais. Lamarie, Samy, oui, Cédric, Momo et Karim. Oui. Et donc notre invité mystère, c'est pote à lui en plus là. Salut, nous rendre visite. On arrive tout de suite sur Skyrock. À toutes. Toute l'année, Skyrock t'a offert.